Comment ça va, les gars? Ben, plutôt bien. Moi, ça va pas, les amis. C'est l'enfer, la galère, le bagne. L'autre matin, je me réveille, et là, devant moi, assis sur une chaise au pied du lit, un mec en costard. Ah! T'es qui, toi? Je suis Monsieur Sûr, Vincent de mon prénom. Qu'est-ce que tu fous là, Vincent Sûr? Je suis envoyé par le bureau du Parti communiste, le PC. Parti communiste. Non, je plaisante. Le politiquement correct. Monsieur Perchu, vous avez à plusieurs reprises été pris en flagrant délit de moquerie sur les minorités, ce qui est intolérable à notre époque de dictature morale. Mais j'en ai rien à foutre, moi, du politiquement correct. Là, il vient me foutre le coq là, espèce de marsouin à couilles plates. Je vais te... Ah, putain, les baloches! J'ai placé cette nuit de mini-électrodes sur vos testicules. Chaque fois que vous serez menaçant ou incorrect, j'enverrai une décharge sur votre appareil génital. Ah, oh, et c'est politiquement correct, ça? Non, mais c'est efficace. Et puis Christophe, je me suis levé, j'ai vaqué à mes occupations, comme d'habitude, à la seule différence que j'avais Vincent Sûr qui me suivait partout. Partout j'allais me casser les pieds. Et les couilles, le censeur. J'avais plus le droit de rien faire. Ça a commencé avec ma concierge, Madame Pedrosa. Oh, la portugaise! Tu feras attention de pas laisser de poils dans la cage d'escalier aujourd'hui. Pas de remarques racistes, Monsieur Perchu, c'est interdit à partir de maintenant. Ça a continué comme ça, et j'ai été prendre mon café chez Zouzou, mon voisin homo. Salut la fiotte. Ça te dérange pas, mon ami dilaté, si je me fais un petit serré? Pas de franco homophobe non plus, monsieur Perchu. Et ça continuait encore et encore. Au bistrot, j'appelle un aveugle œil de lynx, boum, une décharge. Interdit de se moquer des personnes victimes de handicap. Avec mon cousin Gunther, je commence à parler diplomatie et savoir-vivre dans les pays de l'Est, boum, une décharge. Interdit d'évoquer ces pays, trop sensible comme sujet. Je me balade sur les boulevards extérieurs. Je croise des putes, je dis « Salut les putes !» Boum ! Une décharge. Pas de propos antiféministes. Je vous raconte même pas la décharge que je me suis prise à la sortie d'une école quand j'ai giflé un enfant, ni de celle infligée quand j'ai croisé deux vieilles dans le bus à qui j'ai volé les cannes. Et puis au moment où j'allais agir, c'est-à-dire assassiner cet empêcheur de tourner en rond que... Ah, je me suis réveillé, mes amis. Eh oui, Christophe, c'était un rêve, une saloperie de cauchemar. En fait, tout va bien, je me continuais de me moquer de tout ce qui bouge. J'ai une de ces trouilles, moi. Ouais, je comprends, ouais. Bon, je vais me recoucher. Au revoir, Zen.